Boum. Caché, visé, tiré, armé. Caché, visé, tiré, armé. Armé, armé, armé, armé. Caché, visé, tiré, armé. Dans ma tête c'est Winston Churchill contre Adolf Hitler. Pas le temps avec vos 3-5-7, j'ai ma bombe nucléaire. Armé comme Schwarzenegger, y'a l'armée de terre. Nous c'est l'armée des terres. Ça va barder, j'te jure qu'il y aura des cadavres. 4 siècles c'est long, 4 siècles d'esclavage. On traîne tête ensemble, mes petits frères, j'ai pas ton âge. Pourquoi tu baves si t'assumes pas tes propos? Ça sert à rien, mon petit pélo. Tu finiras sur un brancard à l'hosto, hey. Boulette, boulette, hey. On est armé, caché, visé, tiré. Armé, caché, visé, tiré, armé, armé, armé, armé, armé, caché, visé, tiré, armé. Mon gars, tu t'es enfui, t'as fui les soucis. Je pensais que t'étais un homme, t'as abdiqué face aux ennuis que t'as causé, malgré ton passé de victime. T'as osé, tu t'es dit qu'il faut que je vende de la résine. Tu devais de l'argent que t'avais fait dans la cuisine. T'es fait griller, balance par tes sauces. Ils t'ont trahi, te tourné le dos. Ils t'ont vendu pour une petite somme, un petit prix. T'as cherché, t'as trouvé, t'as joué, t'as perdu. Hey, ta maman t'a prévenu, ton papa t'a prévenu. Tu n'en as fait qu'à ta tête, tête, tête, tête. Hey, ta maman t'a prévenu, ton papa t'a prévenu. Aujourd'hui tu le regrettes, crête, crête, crête. Caché, visé, tiré, armé. Caché, visé, tiré, armé.